te passe de tambour de cuivre pour me faire marcher au pas. Tous les pas perdus à te suivre, je ne les calculerai pas. Parfois je l'avoue, j'ai peur, un jour peut-être bien je mordrai la poussière et puis je m'en fous. D'ailleurs, il est trop tard pour faire marche arrière. Mon cœur était une place forte, en un clin d'œil tu l'occupas. Maintenant je vis sous ta botte, je défile doux devant toi. Parfois je l'avoue, j'ai peur, en te livrant ma vie et mon âme tout entière, et puis je m'en fous. D'ailleurs il est trop tard pour faire marche arrière. Mon général, tes deux étoiles, ce sont tes yeux qui me foudroient. Et le barda que je trimballe, c'est la passion que j'ai pour toi. Parfois je l'avoue, j'ai peur, moi qui aimais la paix avec toi. C'est la guerre, et puis je m'en fous. D'ailleurs, il est trop tard pour faire marche arrière. Je t'obéis, ça me regarde, j'aime jouer aux petits soldats. Mais parfois tu en prends pour ton grade, sauf le respect que je te dois. Alors je m'en fous, tu peux résister dans mes bras, te voilà prisonnière. Une, deux, vers ma chambre et je te fais faire marche arrière, marche arrière.